cette phase que je ne peux plus sentir personne. Je suis révolté, je me prends au sérieux, tout me touche émotivement. Je veux fuir, changer et me centrer. Comment discerner? Je ne vois plus clair. Bon, évidemment, on ne peut pas discerner quand on ne voit pas clair. Il y a des solutions très faciles. Puis les solutions faciles sont les solutions qui souvent irritent le plus les égos. Parce que c'est facile. Ça n'a pas de mérite. L'une des très grandes solutions à la conscientisation, c'est le temps. Attends. Ça, on se passe tout seul. Là, attendre, l'humain n'aime pas ça, parce que quand l'humain attend, l'ego, il se dit, si j'attends, ça veut dire que je ne contrôle plus rien. Ben, si tu as marché de même, là, c'est parce que tu contrôlais. Bon, tu ne contrôles pas, de toute façon. Pour ça, une raison. Quand il pleut, il pleut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, attends. Oh, tu peux rendre confortable un peu la pluie, tu peux te mettre à l'abri, des choses comme ça, mais à un moment donné, s'il pleut dans la maison, puis il pleut partout ce que tu es, ben, tu prends le coin le plus correct, puis tu attends. Hein? Quand il va faire beau un peu la prochaine fois, là, tu prendras le temps qu'il faut pour équiper ta maison pour qu'ils ne pleuvent plus dedans. Mais en attendant, personne ne passe tout le temps de l'orage à réparer son toit, puis quand le toit est réparé, là, faites confiance à l'astral, la pluie va arrêter. T'es mieux attendant dedans, bord, puis quand il arrête de pleuvoir, là, il monte, puis il arrange son toit. Mais l'humain fonctionne souvent comme les Guatémaltèques que j'avais connus. Et quand il pleut, ils ne peuvent pas réparer, il pleut. Puis quand il ne pleut plus, ben, ils ne sont pas à peine, il ne pleut plus. Alors, c'est une philosophie intéressante. J'avais vu ça dans la jungle à un moment donné. Là, c'était original. La bonne femme a choisi le bonhomme pour qu'il répare. Puis lui, il expliquait qu'il pleuvait, puis c'était dangereux. À un moment donné, il ne pleuvait plus. Puis là, il demande encore. Puis là, il l'engueulait. Il dit, ouais, il pleut plus, ça, il pleut pas là. Bon, ils ne sont pas à peine, finalement. Ouais. Oui, cette phase-là, elle est vécue par plusieurs personnes, celle de, où justement on découvre des problématiques au niveau de l'ego, où on ne peut plus sentir, etc., où on a le goût de foncer, où on a le goût de se reprendre en main, mais d'une façon comme on le faisait à l'époque d'adolescent, et non pas de se reprendre en main en fonction de l'ère nouvelle, comme les êtres humains intelligents vont le faire au fur et à mesure que les années vont passer. Le temps. Très bon allié, le temps. Il faut le supporter. C'est pas le temps qu'il faut supporter, c'est toi! Pendant que le temps passe, il faut que tu supportes. Et les personnes comme cette personne-là, c'est elle qu'elle doit supporter, c'est pas son entourage. Elle doit se supporter, elle. Parce qu'il faut comprendre que quand on est irrité par quelque chose, c'est parce que l'autre nous sert de miroir. Et à un moment donné, c'est évident qu'on peut carrément fuir les miroirs. Quand on rencontre des êtres humains intelligents, bien non seulement ils servent de miroir, mais en plus, ils sont miroirs parlants. Ils le disent carrément. Ah, telle affaire, ça qui n'est pas correct. Tandis que les miroirs qui sont pas trop parlants, ben eux, ils s'irritent, etc. Puis à un moment donné, bon, on voit simplement ce qu'ils font, et puis ça nous irrite de les voir faire ça. Mais on est des spécialistes pour être capables de reconnaître ce qu'ils font. Alors, les personnes doivent simplement parvenir à s'endurer. Et pour parvenir à s'endurer, comme la personne qui écrit la question aussi, plusieurs choses qu'elle peut faire qui faciliteraient énormément sa vie. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle ne... Elle n'agit à peu près jamais d'une façon réellement... La joie, elle ne connaît pas ça suffisamment. Et elle agit plutôt comme un char d'assaut décoré aux couleurs de peace and love. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, elle va vivre certaines choses, elle exprime certaines choses, etc. Mais c'est toujours dans un gros blindage qui, évidemment, fait en sorte que... Si tu écrases la pédale au plancher, tu vas arriver plus vite, c'est vrai. C'est sûr qu'avec un char d'assaut, même si tu écrases au plancher, tu n'arriveras jamais aussi vite que si tu roulerais dans un autosport. Alors, tu écrases la pédale au plancher, c'est vrai. Mais les conditions, c'est pas dans un véhicule de 35 tonnes. Alors, la personne, elle doit prendre son temps, elle doit relaxer. Vous savez, relaxer, tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a pas un problème assez grand pour que l'humain ne puisse pas s'en dégager, mais relaxer là-dedans, c'est extrêmement important. C'est sûr que pour l'humain, ça devient une pénible chose. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Quelqu'un arrive et dit, écoute, respire par le nez, là, relax. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Prends ce que tu as à côté puis dis lancer en plein visage. Puis là, l'ego va dire, ouais, est-ce que tu seras à ma place? La personne va dire, justement, moi, je suis un gars qui relaxe, ça fait que je suis pas à ta place. Mais n'empêche que c'est ça. Relaxer. Les personnes là, qui peuvent pas arrêter, puis je leur dis, ben un jour, tu vas arrêter quand même, mais j'irai te voir à l'hôpital. Puis à un moment donné, ben ils arrêtent, ils sont à l'hôpital, on va y voir. Puis là, ben là, ils arrêtent, mais c'est parce que là, ils disent, ben oui, ben là, j'ai pas le choix. Puis moi, je leur dis, ben écoute, vous avez 5 ans, t'as pas plus le choix. Sauf que t'es en meilleure condition. pour ne pas avoir le choix. Là, maintenant, tu es en plus pire condition pour ne pas avoir le choix. La personne, elle vit la phase au complet, puis elle doit s'arranger pour exprimer un peu plus de joie. Elle doit s'arranger pour rayonner. Elle doit s'arranger pour nourrir les parties qui sont extrêmement jolies chez elle. Il y en a un paquet. Sauf qu'on valorise énormément nos problèmes, nos maudits problèmes. Vous savez, la majorité des humains vont s'arranger pour rendre méritoire au maximum leur bonheur. Les personnes qui se conscientisent, nécessairement, à un moment donné, ils vont être capables de vivre d'une façon douce, jolie, agréable et plaisante. En plus, ils auront de l'argent puis ils auront de la santé. Parce que l'être qui se conscientise sera nécessairement une personne qui ramassera l'argent. Il y a en masse de gardiens d'argent qui vont finir par redistribuer. Sauf que il y a plusieurs personnes, et ça dépend des manteaux. Quand on parle de l'ego, on parle évidemment des croûtes qui est autour. J'ai déjà expliqué à propos des papiers d'aluminium comment l'ego fonctionnait. Alors, on va dire que l'ego, le problème qu'il y a simplement, c'est qu'à un moment donné, toi, tu vas finir par être heureux. Alors, en fonction de la culpabilité qu'il a, il va s'arranger pour s'en faire un maudit karma. Et la personne qui est ici, c'est ça, en fonction de la culpabilité qu'elle vit, en fonction de tous les manteaux qui l'entourent au complet, elle est en train de se bâtir progressivement une espèce de char de saut, comme je disais. Puis là, elle va remplir ça de dynamite, bien comme il faut, bien calmement, bien correctement. Puis après ça, elle va commencer à fumer. Puis un jour, ça va tout épater d'en face, elle ne comprendra pas pourquoi. On doit faire ça d'une façon relaxée, les choses vont passer, on est dans l'attente active, on bouge un peu les choses. Mais il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à cesser de se culpabiliser, parce que la majorité des personnes qui vont résister vers l'intelligence, qui vont résister contre à l'intelligence, c'est des personnes qui veulent se punir. J'ai donné une expression, m'a donné en séminaire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui réincarnent les Japonais, dans le sens qu'ils passent le temps à se faire harakiri. Et les harakiri psychologiques, c'est fréquent. Je me punis. Puis je dis souvent aussi que ce qui se passe dans la tête, c'est pas nécessairement ce qui se passe au niveau de l'ego. Ma tête, elle veut. Mon ego, il veut pas. Il a peur. Alors, c'est lui qui contrôle présentement les structures évolutives humaines. C'est pas lui qui va contrôler la conscientisation, mais la puissance encore de l'intelligence n'est pas suffisamment développée chez l'humain pour être capable de contrôler l'ego qui contrôle le corps, entre autres. Puis le système endocrinien. Puis le système endocrinien, c'est lui qui va régir complètement toute l'émotivité humaine. Donc, si l'ego contrôle ton système endocrinien, bien, c'est évident que tu ne seras pas joyeux ou heureux, ou tu vas sécréter de façon bizarre, tu peux être malade aussi en plus. Mais la personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit cesser de se punir. Elle devra fouiller un peu chez elle. Elle se punit. Cette personne-là, elle se punit vraiment. Ça, c'est le genre de personne là, qui est quelque part, là, puis quand c'est le temps de tourner, elle tourne parce qu'elle déboîte un genou. C'est le genre de personne typique. Pour rien, il fallait tourner, mais oublier un morceau, oui, bon. Il y a plusieurs personnes qui vont souffrir uniquement. Pourquoi? Parce que, regardez ceci. Que feriez-vous si vous gagneriez 1 000 000 $ à la loterie? Quand on fait des questionnages comme ça, la majorité répond, ben moi, je commencerais par en donner à mes enfants. Maudit que le monde, ils se sentent coupables. Je commencerais par m'en départir au maximum. Pour rendre les autres heureux. Après ça, je me sentirais bien. Hey, tu peux pas $1 000 000 de bonheur, écoute bien, il n'y a pas d'avoir une main. Je commencerai par en donner ma famille, puis là, mes amis, puis là, c'est ça. T'achèterais ton pardon, mais tu souffrirais parce que ça ne s'achète pas. T'achèterais l'amitié de tes enfants, ou tu garantirais par l'achat, tu garantirais l'amitié, t'achèterais. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'humain, c'est ce qu'il fait. Faites attention à ça. Ça ne sert à rien de continuer à vous culpabiliser, vous punir. L'humain est totalement manipulé. Totalement manipulé. Hein? C'est une chose qu'on voit plus au niveau du séminaire, mais c'est une vraie farce. Au début, on veut pas, on crie, on chiale, on est manipulé à chialer, c'est sûr. Et puis, à un moment donné, on finit par être manipulé à comprendre, mais on comprend. Quand on comprend, bien, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose, sauf qu'on cesse de se sentir coupable, partout progressivement. La personne a cassé qu'elle n'est pas manipulée et qu'elle est manipulée, sauf qu'elle agit comme si elle n'était pas manipulée. Ben, elle agit. Elle se rend compte que la manipulation est extérieure, mais à l'intérieur d'elle, elle continue encore à se laisser tramer. Il faut que vous vous purifiez. Ça veut dire quoi, simplement? Là? Ça essaie de vous sentir coupable. Vous n'avez pas été capable? Parfait. Piégez-le. Vous avez été capable? Tant mieux. Mais vous ne méritez pas plus. Quelqu'un qui me dit, M. Kem, ça doit être dur de faire des conférences comme vous. C'est aussi facile pour moi de faire une conférence que vous autres de l'écouter. Il n'y a aucun mérite. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Puis si je me sentais coupable d'avoir une grande gueule, ben c'est évident que je ne pourrais pas. Il faudrait que je me mastreigne à préparer pendant 2 jours chacune des conférences pour être au moins correct. C'est pour être normal. Là, je me dirais, ben oui, mais il faut respecter le public, il faut... Non! Mais c'est ce que je devrais faire si je serais un être humain normal. Alors que je me sens pas coupable de pouvoir parler, puis de pouvoir sortir des choses neuves, etc. Donc, automatiquement, ça devient facile. Je peux... Ça me plaît de faire des conférences. C'est pas un travail, ça me plaît. C'est un plaisir. Alors, la personne aussi, sa vie, elle pourrait être la même chose. Comme tous ceux, d'ailleurs, qui vivent de culpabilité, puis qui se punissent, parce qu'un jour, elle sera heureuse. Elle sera joyeuse. Puis les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange pour le mériter. Le générateur de champ magnétique Remark a été conçu pour la régénération cellulaire du corps physique, de même que pour favoriser la réénergisation du corps vital. Oui, a été conçu pour ça. Comme toute nouvelle thérapie dite nouvel âge, les résultats sont, d'après les promoteurs, spectaculaires. C'est évident. Cet appareil, selon son concepteur, a l'avantage de posséder plusieurs paramètres ajustables qui permettent de doser les champs magnétiques en fonction du but recherché. Puis ça finance de l'Hydro-Québec. Quelle est la valeur réelle de cette thérapie au niveau physique et vital? Y a-t-il des effets secondaires nocifs à court ou à long terme? Selon les promoteurs? Non, selon toi. Le corps physique est un corps physique, de la matière. Bon. La matière et le corps physique, c'est des cellules, hein, vous savez ça, des cellules. Et puis, dans les cellules, il y a des petites molécules. Les petites molécules sont constituées d'atomes. Les atomes sont constitués de particules subatomiques. Hein? Et puis, les particules subatomiques sont constituées d'énergie. Puis, l'énergie, c'est de l'énergie qu'on appelle vitale. Dans certains termes. On peut appeler ça de l'énergie intra-atomique, on peut appeler ça de l'énergie nucléaire. Bon. L'énergie vitale, ça crée un rayonnement. Les électrons, l'électricité, etc., ça peut créer aussi des rayonnements qui sont perpendiculaires normalement au déplacement des électrons dans un conducteur. Ça va créer des champs électromagnétiques, par exemple. La génétique, c'est l'agglomération de quatre petites molécules. Et puis, c'est de l'énergie vitale qui crée tout ça. Le verre, ici, se rappelle sa forme parce que les cristaux sont obligés de se maintenir selon une forme particulière à cause de l'énergie vitale. L'énergie vitale, donc l'énergie intra-atomique, lorsqu'elle est suffisamment vibrante, ça peut permettre la croissance, les végétaux, les animaux, les hominaux, les humains. Bon. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'énergie vitale de l'humain est extrêmement perturbable. L'énergie vitale, c'est non seulement ce qui permet au corps physique de rester ce qu'il est, mais c'est ce qui permet de nourrir l'ego, de nourrir les mémoires, de nourrir le stress, etc. Alors, plus on a un gros ego, plus on a du stress, plus on a de l'émotivité, plus on a des chances d'être malade parce qu'on ôte de l'énergie vitale au corps physique. Alors, il n'y a plus assez de mémoire pour se rappeler ce qu'il doit faire. Puis les divisions cellulaires peuvent devenir ectopiques et dangereuses, les cancers, ou encore, il peut se faire altérer par l'énergie vitale d'un virus ou de quelque chose comme ça. Dans une explosion nucléaire, évidemment, et le gros danger d'une explosion nucléaire, c'est la radiation qui est très près de l'énergie vitale humaine et ça va nécessairement perturber les génétiques. Les champs électromagnétiques ont l'avantage, effectivement, de restructurer l'énergie vitale d'un corps physique. La problématique, c'est que si vous êtes en bas de la valeur, disons, correcte du champ énergétique d'une machine, elle va vous monter à son niveau. Si vous êtes en haut et malade, elle va vous descendre à son niveau, donc elle remplit la maladie. Et il n'y a pas un champ électromagnétique créé par un cheminement électronique, on va dire un voyagement d'électrons dans un conducteur, qui est à la hauteur de l'énergie vitale de l'humain. Donc, évidemment, c'est comme n'importe quelle forme de thérapie actuellement. C'est intéressant que l'humain s'intéresse à de nouvelles formes de thérapie. Pas à cause de la matière qui est créée, mais surtout parce que ça va émanciper la conscience des thérapeutes, à un moment donné, comme qu'on puisse guérir autrement que par les médecines traditionnelles qui datent quasiment des fois c'est anti-biblique. Alors, c'est extrêmement intéressant. La seule chose qu'il y a, c'est que moi, personnellement, je ne me ferais pas guérir par un champ électromagnétique, mécanique ou électronique. Je préférerais de beaucoup me faire guérir électromagnétiquement par un être humain qui me magnétiserait ou qui m'imposerait ses mains ou ses yeux ou qui m'imposerait sa volonté de guérir. Mais les machines à champ électromagnétique, comme je vous dis, ça a un certain intérêt, effectivement. Mais ça a aussi un certain désintérêt. Est-ce que ce genre d'appareil jette les bases de la médecine du futur, de la médecine du futur? Disons, jette les bases en sens, les jette à terre, non. Non, je répète que ce genre d'appareil jette, avec un paquet d'autres choses, les bases de médecine neuve, surtout, c'est intéressant, surtout au niveau du point de vue de la philosophie médicale. Mais la médecine neuve, la médecine de l'ère nouvelle, va être une médecine strictement humaine. Il n'y aura à peu près plus de machines. Il y aura des machines-outils pour évaluer les conditions chez vous qui ont engendré des pathologies. Dans l'ère nouvelle, on ne dit pas à quelqu'un, écoute, prends ça, ou on te magnétise, ou on te donne une machine, ou on te tripote d'un bord et de l'autre. Non, ce qu'on va dire simplement, c'est que tu as un problème, puis tu te gruges. Règle ton problème, nous, on va s'occuper de ce qui te gruge, d'accord. Tu as un problème arthritique, par exemple, c'est parce que tu as un ego qui est extrêmement jaloux. Alors, règle la jalousie, puis nous, on va régler l'arthrite. bon, l'association de l'intelligence et du passé. Et pour un moment donné, l'humain va être capable d'avoir des machines pour évaluer les conditions psychopathologiques, les conditions, disons, psychologiques qui engendrent des pathologies. Et la personne sera suffisamment intelligente, on parle évidemment de l'ère nouvelle, donc dans quelques mois. Et puis, les individus seront capables de travailler sur eux. Respirez bien, mangez bien, soyez joyeux, parlez bien, dormez bien, prenez des vacances. Cessez de vous stresser pour toutes les conditions matérielles qui vont vous abandonner quand vous allez sacrer votre camp ou quand vous allez changer de monde. Et puis, vous allez voir que on va se guérir facilement. Un chercheur a trouvé le moyen en se servant de... Un chercheur trouve. Oui. En se servant de champ magnétique aussi, d'induire chez certains sujets des expériences de communication avec des parents décédés, des expériences de vie après la mort, des contacts avec des extraterrestres, etc. Peut-on en conclure que tout travail dans le but d'acquérir ces facultés n'est pas une preuve de niveau de conscience supérieur, puisque la science arrive à des résultats similaires à l'aide d'appareils scientifiques? Est-ce là pour désillusionner ceux qui passent une partie de leur vie à développer ce genre de pouvoir? C'est pas pour ça nécessairement, mais c'est extrêmement intéressant que la personne se rende compte de cela. Je dis souvent que les gens sont intelligents, puis il y en a qui me disent que ça se peut pas. Mais ils parlent d'eux en plus. Hier, je parlais à une personne, puis je disais qu'elle était un génie. Puis il me disait que ça n'a pas de sens. Après ça, on jase ensemble, elle me donnait plein de preuves justement de choses qu'elle voyait, que personne ne voit. Les contacts avec les extras, les intraterrestres, avec les morts qui sont plus ou moins morts, avec les hamburgers du voisin. Les vivants, plus ou moins vivants. Oui, effectivement. Ce sont des résultats secondaires, très, très secondaires de la conscientisation. Donc, effectivement, la personne a raison. C'est pas une chose. Être télépathe, ça veut dire quoi? C'est comme si, par exemple, je peux parler, donc je suis extrêmement évolué. Tu peux parler, c'est parce que tu as appris à parler. C'est pas une question d'évolution. Si tu inventes la parole, tu es peut-être très évolué, mais après ça, tu l'enseignes aux autres. Les gens vont être capables de prendre un outil. Alors, effectivement, ce ne sont pas des degrés d'évolution. Une personne qui parle avec les morts, premièrement, elle n'est absolument pas dans son monde. C'est comme une personne qui essaie de se faire amie des crapauds. Parce que les personnes, ils disent, « Ah, mais les personnes mortes, décédées, là, ils donnent des conseils. » Mais oui, quand ils étaient vivants, ces personnes-là, ils se trompaient tout le temps. Maintenant qu'ils sont morts, tu as toujours raison. Ça n'a pas plus de sens. Et c'est pas long qu'on se fait ramasser, puis les extraterrestres, et c'est des terrestres extra qu'il faut qu'on soit. Puis les extraterrestres, eux autres, ils auront juste à un moment donné à apprendre à nous supporter. En attendant, c'est parce que l'humain sans médiocre qui se met à genoux devant à peu près n'importe quoi qui arrive avec une flashlight ou deux, des couleurs qu'il connaît pas trop. Ah, sérieusement, moi j'étais extraterrestre parce que j'avais une petite paire de lunettes qu'on met, puis ça éclaire, ça a deux lumières, deux phares chaque côté. Hein? Et puis monter à cheval, c'est très intéressant la nuit. La personne, quand elle me voit venir, là, même son cheval a eu peur. On rencontrait d'autres cavaliers. Et puis, c'est normal parce que là, l'être aux deux yeux lumineux, là, à 10 pieds de haut, là, tabarnouche, tu restes pas devant ça. Fait qu'elle a eu assez peur que le cheval a eu peur aussi, puis le mien, il se demandait ce qu'il passait. Parce qu'il y avait d'avoir un danger, puis son collègue là-bas, il avait peur. Mais puis dans la jungle aussi, on était 6 avec nos lumières comme ça, on courait la nuit dans la jungle, puis les indigènes ne sortaient pas parce qu'apparemment c'est dangereux. Je sais pas si c'était dangereux avant qu'on arrive, en tout cas. Et puis, c'est totalement extraordinaire. Dangereux, il y a des touristes qui promènent à cheval avec des flashlights. Oui, c'est ça. Mais c'est très, très, très intéressant. Je répète encore une fois, quand un lunien, un habitant de la Lune, l'a rencontré, Neil Armstrong, a rencontré un mec sur la Lune, là, il rencontre un gars avec la visière, et on voit la Terre dedans, on ne voit pas ses yeux, le gars, parce que il y a une couche de métal fine là-dessus pour éviter que la chaleur traverse. Il rencontre le mec comme ça, qui se promène, qui saute avec sa grosse boîte dans le dos. Il va-tu se dire que c'est pas des êtres évolués, ça? Ils sont partis de la Terre, venez nous voir, hey, c'est-tu évolué? C'est pas, c'est qu'à New York, là, ils s'entretuent, ça suicide, ça se viole, ça se drogue, ça meurt, ça fait de la... C'est ça, l'être évolué. Quand on rencontre des extraterrestres, on rencontre quoi? Mais vous allez rencontrer la valeur de ce que vous êtes capable de supporter par rapport à vous-même. Vous rencontrez un extraterrestre, puis est-ce que ça vous détruit au complet en tant qu'être humain debout? Vous vous mettez à plat ventre tout de suite? Ben non. C'est tous des résultats secondaires de l'évolution. Les extraterrestres, je les ai rencontrés plein. Moi, je vois souvent au cinéma, puis il y en a... Bon. Mais les extraterrestres, c'est... Comme les morts. Les morts, là, laissez-les donc avec les morts. Tu sais, t'as écœuré ta belle-mère toute sa vie. Maintenant qu'elle est morte, tu continues avec ton Ouija, puis tu continues à aller... C'est des résultats secondaires d'évolution. Par les chaînes électromagnétiques, on perturbe suffisamment le corps physique pour engendrer des mécaniques psychologiques similaires à, là, au peyote, à certaines drogues. C'est rien que ça qui se passe. C'est pas de l'évolution. C'est intéressant, parce que ça prouve que c'est là. Et c'est là. Mais ça finit là. L'humain est bien plus important que ça. L'argent, le pouvoir matériel, est le piège le plus subtil qui empêche l'homme d'être dans le royaume de Dieu. C'est pas tout à fait vrai. Es-tu conscient que tu t'es laissé prendre à ce piège? Ah, ben c'est ce qui est bon, voilà. Au moins, je suis d'accord avec moi. Voyez-vous, la problématique, c'est que... Quand le Nazaréen s'est promené... Si on parlait de Dieu, on parlait disons, du Nazaréen, parce que le Nazaréen qui a parlé à un moment donné qu'un riche ne pourrait pas rentrer... un chameau rentrerait plus facilement, passerait plus facilement par le chat de l'aiguille qu'un riche pourrait rentrer au ciel. On sait que le chat de l'aiguille, c'est l'une des portes dans Jérusalem par où les marchands rentraient. C'était grand, c'était une aiguille, puis il y avait une porte là-bas, puis on appelait ça le chat. Ça n'a rien à voir avec... il faut une aiguille. Passer un chameau là-dedans, franchement, même un pauvre ne rentrera pas au ciel s'il faut que le chameau passe. En tout cas. Le Nazaréen s'est promené extrêmement riche. Premièrement, il était riche. Son père était riche. Il a toujours été très bien vêtu. Il se promenait à dos d'âne. Tout le monde était à pied. On le nourrit. Il a toujours tout au complet. Ce qu'on doit comprendre, puis évidemment, quand on parle d'argent, puis ça, c'est le gros problème, justement, de la chrétienté, c'est que c'est un péché majeur que d'être pauvre. C'est le plus gros problème de la chrétienté. D'ailleurs, l'Église est riche. Les jésuites ont été riches. Des grands, grands, grands marchands. Les franciscains ont été riches. Ah oui, on était riche pour aider. Première raison d'être riche. Mais l'individu qui se laisse prendre pas l'argent. Puis quand tu parles du pouvoir, vous savez, la puissance matérielle, c'est totalement différent du pouvoir matériel. Puis la puissance de l'être humain, c'est totalement différent du pouvoir de l'être humain. Puis la puissance de l'Église, c'est totalement différent du pouvoir de l'Église. Quand l'Église avait le pouvoir, bien, on devait aller se confesser parce que le curé savait tout ce qui se passait, puis pouvait en référer pour manipuler tout le monde. Mais quand l'Église se sert de sa puissance spirituelle, elle va aider les individus. Les individus viennent se confesser pour s'alléger au niveau de la culpabilité. Bon, c'est correct. L'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est une énergie extrêmement divine. Sauf que l'humain, évidemment, qui prend l'énergie divine pour s'en faire un gavage psychologique, il n'a rien compris. Mais l'humain qui prend l'énergie spirituelle pour s'en faire un gavage psychologique, c'est la même chose. Le pharisien qui est au coin de la rue, qui fait de la prière, ou la personne qui jeûne énormément, qui est là, « Ah! Ah! » Bien, elle a le pouvoir spirituel. Elle fait la même chose que le riche qui se promène, qui pavane avec ses gros bijoux, puis ses cossins complets, puis qui est fier d'être quelqu'un. Il y en a un qui pense qu'il est quelqu'un parce qu'il fait ce que, apparemment, sa religion lui dit. L'autre, il est fier d'être quelqu'un parce qu'il fait ce que sa société lui dit. Mais les deux agissent dans le pouvoir. Le prêtre qui se prend pour un autre parce qu'il est connecté à Dieu, c'est du pouvoir. Il ferait mieux d'être riche, lui, puis de donner aux pauvres, que d'être pauvre. Puis de rien donner du tout, de prendre aux riches. La matière, c'est extrêmement important. L'humain pauvre, vous savez ce qui arrive, c'est que les religions s'adressent souvent aux masses. C'est les masses qui sont les plus mal prises. Quand on s'adresse à une masse de pauvres, on s'attend évidemment à leur dire qu'il faut être pauvre. Parce que sans ça, l'humain se sent trop médiocre. Il ne pourra pas penser qu'il va arrêter d'aller au ciel. L'humain était bien comme une guenille, il était bien guenille. Ah, mais c'est évident que l'intelligence n'a rien à foutre que l'humain soit en guenille ou que l'humain soit bien habillé. C'est ce que l'humain est qui est important. Pas la quantité de, etc. Ça, l'humain ne comprend pas ça. Quand on va rencontrer des gens qui sont riches, imaginez simplement que tous les gens qui ont de l'argent décident de demain matin de tout abandonner. Il n'y a plus de société, il n'y a plus rien du tout. Puis là, après ça, on peut dire, oui, mais les oiseaux ne sèment, ils ne récoltent. Puis il en meurt un maudit paquet l'hiver. Il faut comprendre quand le Nazaréen parabolisait les choses, qu'il s'exprimait à l'humain pour que l'humain monte d'un certain cran. L'argent, ce n'est pas un problème. C'est l'humain qui est le problème, c'est l'ego qui est l'humain. Que ce soit la spiritualité. J'ai travaillé avec des mormons, je les ai hébergés, je les ai aidés. Ils allaient mormonner partout, puis moi je les aidais. Puis c'est correct, pourquoi? Parce que c'était des deux bons bonhommes. C'est correct. J'ai rencontré un prêtre dernièrement, un frère, un père. C'est merveilleux. Puis on s'entend bien, bien, bien, bien, bien. Il sait pas tout sur moi. Et moi j'en sens maudit sur lui pour savoir que le gars était parfaitement génial. Lui, il rencontrerait un bouddhiste, là, puis il essaierait même pas de le convertir. S'il est heureux, je ne vois pas le problème. Je ne pense pas que Dieu va refuser qu'un être humain heureux qui fait du bien rentre au ciel. Je ne vois pas. Lui, là, il a un immense monastère, il a un paquet de cossins, puis j'ai même dit qu'à un moment donné, écoute, là, tu te charges, tu fais des petits séminaires, des petites choses pour aider l'humain. Tu ne charges pas cher. Dis, mais le monde n'a pas beaucoup d'argent. Tu as un grand stationnement, hein? La prochaine fois que tu invites du monde, là, va faire le tour dans ton stationnement. Tu regardes les automobiles qui viennent se stationner là. OK? Puis après ça, tu équilibreras par la valeur. Il faut que tu payes ton chauffage, il faut que tu payes ton monde, il faut que tu payes tes cossins, il faut que tu t'habilles, il faut que tu payes des vacances de temps en temps. Ça sert à ça, l'argent. L'humain qui ne comprend pas ça, c'est une personne qui a tellement peur d'elle, mais c'est normal, les gens ont peur souvent de ça. Comme tout à l'heure, on parlait, les égaux ne veulent pas être riches parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont se faire récupérer par le pouvoir de l'argent. Ben, restez vous autres, puis soyez riches. Vous ne ferez pas récupérer par le pouvoir de l'argent. C'est d'être capable d'instruire les individus qui ont été instruits, être capable d'aider les individus qui doivent être aidés, parce qu'il n'est pas qu'il ne faut pas les aider parce qu'on va leur nuire. Puis vous allez être correct. Il n'y a aucun problème. L'être nouveau n'aura pas ce qu'il a besoin, il va avoir en abondance, en argent, en nourriture, en temps, en santé. Il va avoir en abondance. Il nous a rien déjà dit ça, la même chose, mais l'argent à l'époque n'était pas le problème. Ça permet de créer de la nouvelle médecine, ça permet de créer de nouvelles écoles, ça permet de créer du nouveau confort. Le confort, ce n'est pas le luxe. Le confort, c'est extrêmement important pour l'humain. Il faut s'imaginer que la créature, disons, de Dieu, là, a été prévue pour vivre dans une mare de bouette à côté d'un volcan, puis avoir peur du tonnerre le restant de ses jours. Ça, c'est la créature de Dieu. Ça, c'est réellement exprimer l'image que vous vous faites de Dieu. À un moment donné, moi, je me suis posé la question, comment faire pour exprimer au maximum la volonté, disons, de mon père? Ben, c'est simple, le cave. 16 être parlant. Je ne vois pas pourquoi mon Dieu s'exprime à travers une personne qui est médiocre, à travers une personne qui a toujours peur, à travers une personne qui... Se limite toujours. Dieu s'exprime chez vous, il n'a pas peur de l'argent. Il est capable de le gérer. Mais pourquoi vous en avez peur? C'est que vous avez peur peut-être de commencer à penser que vous devez le gérer à sa place. C'est évident, c'est bien compliqué. C'est pour ça qu'il y a plusieurs gardiens de la finance. Ça crée des emplois. Ça augmente les niveaux sociaux. Ça permet d'aider le tiers-monde. C'est pas bien aidé encore, OK, parce que c'est tout un amoncheux. Mais c'est pas l'argent qui est le problème. C'est l'humain. Une arme à feu, c'est pas dangereux. Pas dangereux. C'est l'humain. Un humain, c'est pas dangereux. Même un enfant, c'est dangereux, un enfant. Ça dépend ce que tu fais avec. Tu peux t'en servir pour manipuler des masses. C'est l'humain. L'argent, c'est pas un problème. La matière est là. Pensez que Dieu a créé la matière au complet et qu'il a créé tout ce qu'il nous fallait au complet à un moment donné uniquement pour nous interdire de prendre ça. Changer de religion. Oui, c'est pas correct. Les gens qui tournent autour de toi sont les êtres les plus mémoriels et égoïques que j'ai rencontrés. Crois-tu qu'ils ont vraiment compris ton message à égoïsation et instantanéité? Probablement pas. Où seront les antennes supramentales? Avec le groupe des chefs ou avec le reste des conscientisés? Ben, ils vont être là où ce qu'ils vont, ça va être utile qu'ils soient. Le grand monarque, la sixième et la septième race mère, se feront-ils à partir du reste des conscientisés qui auront été protégés sur le vaisseau planétaire? La planète Terre, oui. La sixième race, oui, mais la septième, non. La septième, c'est toute l'humanité au complet qui en bénéficie. Puis, il y a des choses que souvent l'humain ne comprend pas, parce que là, on a des questions particulières, là, évidemment. Il manque des bouts, peut-être pour certains. Quand la Bible parle de 144 853 élus, par exemple, quand la Bible donne ces chiffres-là, ne voudrais pas ça cochon puis chier un peu? De mettre au monde des milliards d'humains à travers l'histoire du temps, tu sais, parce que dans pas grand temps, là, le monde il va avoir des élus. Mais 2000 ans après, il y en a-tu passé du monde? Puis 3500 ans avant, parlons pas des millions d'années avant. Puis l'humain se dit toujours que Dieu est bon et juste. Il va prendre, disons, il dit 144 000, bon, 12 fois 12, il dit 144 000 personnes, et puis ils vont être élus. Écoutez, quand on est 800 000 étudiants, puis l'université en prend 45, on va être les meilleurs du monde. Il y en a un mot du paquet qui vont rester dehors. Le processus réincarnationnel, ce qu'il permet, il permet aux individus qui meurent de se fusionner dans le monde astral, donc dans ce que l'humain appelle le ciel, le monde de la mort. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tous les individus qui ont vécu dans leur expérience vont se fusionner ensemble, ce que d'ailleurs l'Église dit en disant que dans le monde de la mort, vous allez retrouver ceux que vous avez connus et aimés, et vous allez les retrouver pour l'éternité. Et vous allez vous fusionner à eux. Et à un moment donné, toutes les humanités du passé vont se retrouver réincarnées dans 144 853 corps physiques. Vous savez, je ne tombe pas dans des pièges, puis c'est facile de juger les individus qui entourent quelqu'un. J'ai rencontré à un moment donné une personne extrêmement humble. Elle ne travaille pas avec moi, mais je l'ai rencontrée. Puis les individus la trouvaient extrêmement snob. Uniquement parce que les individus ne pouvaient pas supporter de l'humilité comme ça. Une personne qui est un bon artiste, puis vous lui posez la question, « Es-tu bon en dessin? » Elle répond « Oui ». Tu voulais lui dire, est-ce que tu es très bon? Elle va dire « Je suis génial en dessin. » Qu'est-ce que vous pensez? Qu'elle se vante. Pas humble. Mais si c'est vrai qu'elle est géniale en dessin, pourquoi faudrait qu'elle fasse comme l'humain a toujours appris, qu'elle s'écrase? Qu'elle soit polie, puis qu'elle soit humble, puis... L'humilité, là, c'est pas la cochonnerie qui fait qu'on se met à plat ventre puis qu'on rentre. Pas ça, l'humilité, c'est de la stupidité et de la bêtise. L'humilité, là, c'est simplement d'accepter ce qu'on est comme on l'est, puis s'amuser, puis d'être joyeux, puis d'avoir du plaisir. C'est ça, l'humilité. C'est de la négoïsation, pas avoir d'égo inutile. De l'humilité. C'est pas de l'écrasement, c'est pas ça du tout. À l'école, c'est ce qu'on faisait. Quand, en tout cas, il y a pas qu'à l'affaire, je pourrais vous compter, mandat à l'époque, mais on a rendu l'humain assez humble, là, que maintenant, il faut que suivre des thérapies pour arriver à se retrouver. Il n'y a aucun avatar, le Nazaréen compris, qui a enseigné ce genre de choses-là à l'humain. Jamais. Moi, je dis souvent en conférence, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est souvent ce que les gens comprennent. Le Nazaréen a enseigné des choses. Le premier évangile est sorti 93 ans après son départ. Totalement coloré. Il y a des absurdités, par exemple, dans le genre, regardez juste les généalogies des quatre évangélistes, puis ils passent par des familles totalement différentes. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Pas important, là. Première erreur. Deuxièmement, le Nazaréen s'en va tout seul dans le désert. Surtout à compter ce qui s'est passé. Puis en voulez-vous, on peut en faire en masse. Il y a eu des femmes tout près du Nazaréen, on n'en parle pas. On prend Marie, on prend Madeleine, puis on en fait Marie-Madeleine, c'est réglé. Pas qu'il y ait trop de femmes près du Nazaréen. Si vous saviez la quantité de choses intéressantes qu'on peut aller fouiller là, puis c'était génial, le Nazaréen, bien plus que ce que l'humain voulait en parler, l'humain a ajusté. Non, Si l'humain a été créé par un Dieu, à son image et à sa ressemblance, il y a un problème d'un bord ou de l'autre. Je suis fondamentalement une personne douce, mais il y a beaucoup de raideur et de douleur dans le corps physique. J'ai pris conscience dernièrement que seule ma partie intelligente peut apporter beaucoup de tendresse à ce corps au moyen de caresses, comme il sait le faire avec un bébé ou un animal. Bien. On apprend à s'apprivoiser, à être bien ensemble, moi et l'autre. Oups, là, ça doit être une autre question. Non, c'est la suite. Non, c'est elle et l'autre. C'est ça. On apprend à s'apprivoiser, à être bien ensemble, moi et l'autre, et cela sans intervention d'une autre personne, en évitant ainsi une dépendance affective corporelle face à l'autre. Pourquoi le corps a-t-il besoin de tendresse? Est-ce une façon, entre autres, de sécuriser l'ego? Bon. Une façon indirecte de s'allier, de se relier à de l'intelligence? C'est extrêmement important. Ce que la personne fait là, c'est une personne qui est correcte. Premièrement, elle va progressivement apprendre à s'aimer. J'ai expliqué dans une conférence à un moment donné qu'une grande partie des traditions théologiques ne s'adressent pas à l'humain. Probablement que les trois quarts de ce qui est écrit dans la Bible sont une copie de mécanique informatif qui ne s'adresse pas à l'humain. Puis que l'humain est ramassé. Je vais vous donner un exemple ici. La personne, bon, elle se caresse le corps, etc. Elle se fait des massages, elle se frotte, elle se donne de l'affection. Si on regarde la majorité de ces structures religieuses, ça devrait être interdit ce qu'elle fait. On ne parle pas uniquement de masturbation ou d'autres choses. On peut s'aimer. Ça, c'est pas correct. Là, c'est la chair. Elle commence à aimer la chair. Et oui, elle commence à aimer la créature de Dieu. Yark! Il y a des mécaniques évolutionnaires qui ne doivent pas faire certaines choses parce que ça va les émanciper trop rapidement vers l'intelligence et le bien-être. Mais c'est pas l'humain. Mais l'humain est assujetti à ça parce que l'humain croit que c'est pour lui. Effectivement, la personne, ce qu'elle fait, c'est extrêmement génial. Pourquoi le corps a-t-il besoin d'affection? Premièrement, l'ego en a besoin. L'ego, c'est réellement un petit enfant. L'ego a besoin d'affection. Vous devez, de temps en temps, vous donner des récompenses. Mais le savoir consciemment, tiens, j'ai bien travaillé, puis là, je vais me payer quelque chose. Vous commencez à vous récompenser votre ego. Il va cesser de travailler comme vous autres. En plus, le corps physique, il est bourré d'énergie. Ces énergies-là ne circulent pas suffisamment parce que l'humain ne vit pas suffisamment convenablement. Et ces énergies-là doivent se promener, doivent être replacées à leur place. Bon, alors quand on se fait un petit massage, juste se frotter, juste prendre sa douche avec une grosse brosse, par exemple, là, puis se frotter partout au complet, peut-être, en tant qu'à prendre sa douche. Tout ça au complet, ça replace les énergies. Donc, ça redonne au corps physique une forme beaucoup plus intéressante. On est mieux dedans. Le corps est mieux. Parce que le corps est mieux, l'ego est mieux. Parce que l'ego est mieux, l'ego se sent sécurisé, puis l'ego se sent plus heureux. C'est pour le corps physique qu'on doit le faire. Puis, nécessairement, c'est très, très, très correct ce que la personne fait. Où il y a un petit handicap, c'est que la personne, elle a peur des dépendances émotives ou affectives en face de d'autres. Quand vous rencontrez pour la première fois quelqu'un, vous restez ensemble, eh bien, vous avez énergétiquement des manques. Puis ces manques-là, vous ne les connaissez pas trop parce que vous ne les avez jamais vus. En rencontrant quelqu'un d'autre, à un moment donné, un coup de foudre ou un coup de pouce, et à un moment donné, vous, disons, vous allez monter en amour ou tomber en amour, ça dépend des individus. Et puis là, vous allez commencer à vous faire alimenter d'une autre forme d'énergie. Mais là, ce qui arrive à un moment donné, c'est que les personnes finissent égoïquement par retirer ce qu'elles donnent. Et puis, après 2, 3, 4, 5, 15 ans, vous ne vous alimentez plus autant. Alors, l'humain, là, le gars ou la fille, a besoin d'aller chercher ailleurs. Il va rencontrer une autre fille, un autre garçon, puis il va aller se connecter, il va aller chercher ce qui lui manque énergétiquement. Uniquement parce qu'on ne se le donne plus. Et dans l'intelligence, on va comprendre à un moment donné qu'on ne doit pas se limiter à une seule source d'alimentation. Ce n'est pas bon pour la santé. Je ne parle pas de relations sexuelles, je parle d'alimentation. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je vais être avec ma femme, on a un plaisir, on échange énergétiquement. Puis à un moment donné, bien, je vais être avec un autre de mes amis, ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être un enfant. Et puis, on peut se tenir par la main, on peut se faire un massage, on peut jaser, on peut jouer. Puis l'autre n'a pas à être jaloux. Ça fait partie de mon alimentation d'énergie vitale, de mon alimentation astrale, psychologique ou mentale. Je discute avec ma femme, je discute avec ma femme. Puis à un moment donné, j'ai besoin de discuter avec un autre. Et ça, on va le comprendre. Alors, je me nourris astralement, là, c'est la discussion, c'est je me nourris mentalement. Après ça, je vais, par exemple, me nourrir astralement avec ma femme, je me nourris astralement. Puis après ça, j'ai besoin avec un autre. Puis dans le système traditionnel, par exemple, imaginez que votre conjointe, va rencontrer quelqu'un, puis quand il revient, il est tout heureux. Qu'est-ce qui se passe? Jalousie immédiate. Ouais, c'est ça? Ça a été du fun? Faut pas qu'on ait de fun, hein? C'est interdit. Il revient heureux, puis on n'en profite même pas, il saute d'en face. On le ramène à notre niveau. Et la personne, ce qu'elle fait, c'est parfait, c'est correct. Puis on devrait ne pas avoir peur de se lier d'amitié avec autrui. Bon, il y a des pièges, puis restez intelligente, puis à un moment donné, vous allez voir que les pièges, il n'y en aura pas. L'ère nouvelle ressemble énormément à l'ère ancienne, sauf que l'humain ne fait pas des choses sans savoir ce qu'il fait, il va les faire en sachant ce qu'il fait. Quand le Nazaréen, je pourrais vous donner plein de choses que le Nazaréen a amenées, que Siddhartha Gautama a amenées, puis qu'un paquet d'autres ont dit à un moment donné. Et c'est ces choses-là qui s'approchent, sauf que ça ressemble à ce qui s'est passé, mais c'est pas ça. Vous savez, il y a des nuances. L'intelligence, c'est des choses extrêmement différentes. Il y a un gars qui part avec sa scie mécanique, qui s'en va couper des arbres dans le bois. Si tu es un massacreur, ben, vous allez le voir, puis le gars, il coupe. Ben, à un moment donné, peut-être que lui, il coupe à coupe sauvage. Puis il y en a un autre qui coupe dans le bois, puis lui, il se dit, ben non, moi, je déboise un peu. Tu sais, il y a des arbres qui vont pousser, puis ça va. Puis en même temps, il me sert du bois. Puis il faut pas qu'on regarde ce que la personne fait. Il faut qu'on regarde la résultante, la conséquentialité à court, moyen ou long terme de son action. Sans ça, on va la juger en fonction des humains du passé. Il y a tellement de choses. La personne qui reste traditionnelle, qui reste figée, elle va comprendre beaucoup plus tard toutes les mécaniques de l'évolution. Mais en attendant, nécessairement, elle va être en guerre souvent. Puis c'est ce qui arrive souvent. Les gens se missionnent comme guerriers. Dieu n'est pas capable de se défendre seul, fait qu'on va y aller nous autres. Et faites attention à ça. Les prêtres ont tellement fait au nom des dieux. Je ne parle pas des prêtres catholiques, eux autres aussi, mais tellement de prêtres. Les sacrifices humains, les sacrifices de ceci, les sacrifices de cela. Puis même l'Église catholique oblige encore des gens à marcher longtemps à genoux pour aller essayer d'aller chercher un pardon quelque part. Et au nom de Dieu, on en fait. Ça, c'est le pouvoir spirituel. Moi, je vous parle de puissance. La puissance est toujours régie par l'intelligence. Un être humain puissant, c'est un être humain qui va vous rassurer, qui va vous calmer, qu'on recherche comme ami. C'est bien. Un être humain qui a du pouvoir, c'est un être humain qu'on va jalouser, qu'on va envier, qu'on va essayer de monter à sa hauteur, de l'égaler, d'être comme lui. Tout bien, c'est extrêmement différent. Celui qui vit de pouvoir, c'est une personne qui, du coup, à un moment donné, va probablement descendre assez loin aux enfers, ouais. Pourquoi le destin veut-il que des personnes vivent jusqu'à 100 ans alors qu'ils sont malades et confuses en plus? Ils sont utiles à quoi? Et que d'autres personnes meurent jeunes alors qu'ils auraient tant à faire? Je trouve que cela est injuste. Je ne comprends vraiment pas. Explique. Bon, ça fait partie des choses qu'on doit comprendre. Il y a des choses que je dis plus souvent au niveau du séminaire parce qu'on a plus de temps pour expliquer. Parce que quand on répond rapidement à un moment donné, bien, il manque des explications, puis là, on s'en crée plein, hein, processus d'ignorance. Mais la justice sur la planète Terre, cherchez-la pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À peine se passe à la tête. C'est bon, je comprends pas, mais il n'y en a pas de justice. Vous en avez déjà vu de la justice? Courez après, puis restez avec elle, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a qui naissent handicapés, il y en a qui naissent infirmes, il y en a qui naissent géniaux, il y en a qui naissent avec des sens juste parfaits, il y en a qui naissent super bons coureurs, il y en a qui naissent. Pour manger un petit pain, il y en a qui naissent manger les croûtes, puis il y en a qui naissent manger le reste. Il y en a effectivement qui sont malades de 50 ans à 101 ans, légumes, plus ou moins légumes, dans un lit, végètes, puis on les entretient, etc. Il y en a d'autres qui sont en parfaite santé, puis à un moment donné, ils boivent une petite bière ou deux, puis il y a une automobile qui les frappe, paf, puis ça ramasse, c'est fini. La justice, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que du point de vue de ce que l'humain comprend de la justice ou des mécaniques, de ce que lui va appeler Dieu, ces choses-là, c'est toujours des visions assez limitées. Et on ne peut pas comprendre ce que c'est que de la justice planétaire si on ne peut pas englober minimum quelques milliers d'années de vie d'un humain. Vous, l'humain, ce qui fait l'humain, c'est qu'il voit une petite chose. Puis dans cette petite chose au complet, il ne comprend pas les mécaniques. Ce n'est pas tout le reste au complet. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont dit « c'est à cause du karma, c'est pour ça que tu manges, le, que tu, etc. » Celui qui est mort d'un accident, là, c'est à cause du karma. Il a tué quelqu'un dans son autre vie. Là, ça permet d'expliquer un peu. C'est pas ça en réalité, parce que s'il a tué quelqu'un dans son autre vie, ben ça veut dire que le gars qui l'a tué, il faut qu'il se fasse tuer dans sa prochaine vie, puis le gars qui va le tuer, il faut qu'il se fasse tuer aussi, puis l'autre, il faut qu'il se fasse tuer, puis finalement, on va tout passer là à un moment donné, parce que faut que le gars paye son karma. C'est plus simple que cela. Mais ça serait long à expliquer là, mais la justice, cherchez-en pas, c'est l'humain qui fera la justice. Le Nazaréen, il dit à un moment donné à une personne qui lui demande « Est-ce que c'est bien important que j'aille à l'église pour aller prier? » Puis le Nazaréen lui dit « Écoute, avant d'aller à l'église pour aller prier, là, regarde donc voir dans ton cœur s'il n'y aura pas un ami ou deux ou quelqu'un qui t'aurait offensé. Pas insulté, offensé. » Puis il va le voir, règle ça avec lui. Puis après ça, si tu as du temps, tu iras à l'église, si tu veux. Plus loin, il va dire à d'autres, à des prêtres qui sont absolument offusqués de le voir pardonner. Il pardonne, il y a juste Dieu qui peut pardonner. Non, c'est du ressort de l'homme que de pardonner à l'homme. Dieu n'a rien à foutre. La justice, c'est la même chose. Nous allons établir de la justice. Nous allons établir de la paix. Ça nous regarde. Mais les personnes, souvent, se médiocrisent et attendent toujours d'être sauvées. Mais ça fait des milliers d'années qu'on attend. Puis le Nazaréen n'est pas sauvé, le Nazaréen est parti avec son humanité, mais il a donné des messages. C'est l'humain qui va faire ces choses-là. Puis c'est pas encore tout à fait le temps. Mais la justice, chercher la paix, ça allait souffrir énormément. Il y a des mécaniques. Est-on mieux de s'ajuster à une personne qui a besoin qu'on lui dise toujours « je t'aime » et si la preuve de l'amour, c'est le mariage, s'ajuster pour l'autre et consentir à sa volonté? Si vous aimez, ça veut nécessairement dire qu'en premier, vous allez vous aimer. Et si vous vous aimez, bien nécessairement, vous allez attirer autour de vous les individus qui vont être capables de recevoir votre amour. Si vous vous laissez donner complètement, vous donner à quelqu'un d'autre, vous ne vous aimez pas suffisamment. Puis nécessairement, à un moment donné, tous les deux, vous allez en souffrir. L'amour, ce n'est vraiment pas de faire ce que l'autre veut. Ça, c'est de l'esclavage. C'est pas ça, l'amour. L'humain, il se plaint qu'il n'y a pas assez d'amour sur la planète, puis l'humain se plaint de tout un paquet de problèmes, puis l'humain, il dit bien tomber en amour, puis l'humain dit bien ses premières souffrances d'amour, puis 99% des chansons d'amour, c'est des chansons dans lesquelles on se plaint, puis l'humain, il parle d'amour, comme si c'était un connaisseur. Aimez-vous. Puis après ça, vous allez voir que le reste, c'est facile. Mais aimez-vous. Moi, quand j'ai un jeune qui vient me têter, là, parce que j'ai fait une affaire ou une bebelle, là, je l'aime. Je l'aime assez que je le respecte. Puis je le respecte assez qu'il n'y en aura pas. Si c'est utile, si c'est correct, aucun problème, il y aura n'importe quoi. Mais il tête, là. C'est pas à la hauteur de ce qui est lui. C'est pas comme ça qu'on communique entre êtres humains intelligents. C'est pas ça du tout. Puis c'est pas que je veux qu'il fasse comme moi je veux. Il a besoin de livres scolaires, il a même pas besoin de têter, il va savoir. Ben, il a besoin d'un ballon, puis après ça, il a besoin d'une balle, puis après ça, il a besoin d'un bâton, puis après ça, il a besoin d'un bicycle, après ça, il a besoin d'une minute, là. Les jeunes, ils se promènent avec leurs grands-parents, là, qui vont magasiner, là, qu'ils aiment ça. Parce que les grands-parents, consciemment, achètent l'amour de leur petit-fils ou de leur petite-fille. C'est pas de l'amour. On essaye, on est mal pris avec ça, c'est pas ça, l'amour. Aimez-vous. Vous allez voir qu'il y a des individus qui vont commencer à se rapprocher, puis les personnes que vous allez avoir, que vous avez le plus peur de perdre, sont probablement les personnes qui vont vous aimer le plus quand vous allez commencer à vous aimer. C'est fascinant de voir comment ça fonctionne. Puis, c'est tellement plus facile après. Pour bien franchir l'étape des remous nous ramenant en arrière, l'adolescence, et éviter de tomber malade, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire « je t'aime » à quelqu'un qui t'a en aversion? Non, vous dites « je t'aime » à quelqu'un qui vous aimez. Simple. Qui t'est en aversion ou non. Ben, ça n'a rien à voir. Puis, à un moment donné, vous allez finir par être de plus en plus correct avec vous, mais vous lui dites simplement, si l'énergie, si ça vient chez vous, ben vous lui dites. Première preuve d'amour qu'on a entre humains, c'est de se dire quand ça va pas. Pas de donner des bêtises, mais de s'aider. Pas de parler dans le dos de l'autre, de s'aider. L'amour. Puis aussi, l'amour qu'on a, c'est de recevoir les critiques d'autrui, les commentaires d'autrui. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est parce qu'il vous aime. J'explique ça souvent encore à des jeunes. Écoute, présentement, là, si je te parle, là, c'est parce que je t'aime. Si je t'aimerais pas, là, je n'aurais rien à foutre de toi. Puis fais donc ce que tu veux, puis drogue-toi donc, puis fais donc, puis m'en balance. Mais c'est pas ça, tu feras ce que tu veux. Mais je t'explique ce qui peut arriver. Puis je t'explique les mécaniques physiques. Puis après ça, viens, on va sortir, matin, un exemple. Tu feras ce que tu voudras, ça, c'est ton plan de vie. Mais je te fais pas ça pour t'emmerder, c'est parce que je t'aime. Mais je t'aime à ta hauteur, c'est-à-dire que tu feras ce que tu voudras, je m'en embarquerai pas plus. Puis quand tu me vas me dire, je veux plus que tu me parles, je te parlerai plus. Je t'aime assez pour ça. Mais tant que tu me dis pas, fais-moi confiance que... Mais c'est parce que je l'aime et j'aime correctement. L'amour intelligent, ça se peut. Quand la table est desservie, on la quitte? Non. On quitte la table quand c'est le temps de quitter la table. Ça fait encore partie des protocoles de l'humain. L'humain, là, il est compliqué. Vous savez, les protocoles de communication et les stratégies de relations humaines, c'est la plus grande mort chez l'humain. Protocoliser comment on va dire qu'on s'aime. Protocoliser comment on va prouver qu'on s'aime. Moi, j'ai jamais acheté de fleurs à ma femme. J'ai jamais rien acheté de ça. Elle m'en achetait. Probablement pour me faire penser que... Bon, mais pendant longtemps, elle me disait que je n'étais pas un vrai homme. Jusqu'au jour où je lui explique que la majorité des vrais hommes, ils achètent des fleurs, des cadeaux à leurs femmes, là, pour coucher avec à soir. Puis c'est drôle, moi, j'ai jamais pensé à t'acheter comme ça. On sort ensemble, on va manger, on va dans des belles places. Elle a son argent, elle achète ses affaires. Elle n'a pas, j'en achète. Elle m'en achète. Je voyais pas le problème de prouver que j'aimais. Je vois toujours pas plus ça. Si on doit prouver, c'est parce qu'on doit acheter. Si on achète, on n'est pas dedans non plus. Alors, quittez donc la table quand c'est le temps de quitter la table. Pour vous. Puis les gens vont comprendre. S'ils ne comprennent pas, il manque d'amour dans l'air. Pas de votre part. C'est tellement facile. Pourquoi on ne peut pas simplement être ce qu'on est? Hein? Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on l'interdit aux autres. Fait qu'on se sent interdit de l'être. Puis c'est compliqué. C'est compliqué entre un couple, c'est compliqué entre les enfants, puis les parents, puis entre tes parents, puis les enfants. Fait qu'imaginez comment c'est compliqué à l'extérieur. Et simplifiez. Ôtez-en les petites côtes un petit peu, là, vous allez voir. C'est très épeurant pour l'ego. Il y a une personne qui me disait, oui, mais si je deviens trop correct, trop belle, là, je vais passer mon temps à me faire écœurer par tous les gars du coin. Très belle raison. Faites-en pas. Quand tu vas être extrêmement belle, là, les gars du coin vont être inhibés de parler. Ils vont commencer à te respecter. Ils ne pinceront pas les fesses. S'il y en a un qui pince les fesses, tu vas juste te retourner, là, puis il va s'excuser probablement. L'humain est capable de reconnaître ce qui est beau, mais il n'est pas habitué d'en voir, simplement. L'humain, c'est pas de la crotte, l'humain. Crotter un peu. Mais l'humain, lui, ce qu'il est, c'est autrement. C'est bien. Très, très bien. En quoi consiste la chirurgie astrale? Quel est le procédé qui en est l'opérateur? Est-ce soi-même? Oui, c'est soi-même. C'est le mental qui est l'opérateur de la chirurgie astrale. Je ne vous expliquerai pas comment le faire parce que ça prend quelques heures, mais grosso modo, la technique, c'est que tant qu'à faire un voyage astral, on fait un voyage astral à l'intérieur du canal réincarnationnel, ce que les gens appellent souvent la corde d'argent. On rentre carrément dans son âme, fait qu'on est capable de traverser toutes les couches au complet, puis on arrive au milieu de son âme, c'est un beau voyage astral. Puis là, on voit l'ego. Puis on voit les parties de l'ego, on les sent. Quand on dit on les voit, on les voit pas, là, c'est pas écrit dessus colère. Mais on peut se diriger, on le sent, puis là, par certaines stratégies, on peut parvenir à défaire ces parties-là. C'est un peu comme un hypnologue. L'hypnologue, il va vous hypnotiser, puis là, à un moment donné, bien, il pose des questions, puis après, il commence à vous mettre des suggestions. Sauf que la chirurgie astrale, l'avantage qu'elle a, c'est que vous êtes pas dans les mains de quelqu'un, dans vos propres mains. La technique est extrêmement efficace, mais c'est des choses qui... C'est le séminaire que j'ai donné à des séminaristes. Les ordinateurs possèdent-ils une mécanique semblable au gnome et au farfadet? Si oui, décrivez-les. Non, ben les ordinateurs, ça a une mécanique beaucoup plus similaire à l'humain qu'au gnome et au farfadet. Un ordinateur, c'est un... Toutes les formes matérielles ont un corps vital. Le gnome, le farfadet, la fée, le lutin, etc. C'est des corps vitaux, qui appartiennent à des plantes ou à différents phénomènes de la nature. Les ordinateurs ont des énergies beaucoup plus près de l'humain. Ils sont des créatures de l'âme. Et leur façon de fonctionner est absolument identique à la mécanique humaine, au cerveau. Sauf qu'évidemment, un ordinateur, quand on aura programmé un ordinateur 50 ans de temps, 24 heures sur 24, vous allez voir qu'il va être capable de vous aimer et de vous haïr. Sauf qu'on n'a pas le temps de les programmer encore, ça s'en vient. À la NASA, ils ont des problèmes avec certains ordinateurs, parce qu'il y a des ordinateurs qui refusent obstinément de travailler avec certaines personnes. Et puis, il a déjà fallu qu'ils en reformatent au complet, qu'ils s'effacent au complet, parce que l'ordinateur était trop humain. Mais ça long à expliquer les mécaniques, mais c'est une mécanique, c'est une forme d'animalité, d'entité qui est beaucoup plus près de celle de l'humain. Quand on a des ordinateurs, par exemple, qui sont insuffisamment blindés, vous filez pas un matin, là, ils plantent sans arrêt. Vous êtes en colère, ils plantent sans arrêt. Ils piratent les disquettes sur lesquelles vous sautez vos affaires, etc. L'ordinateur réagit beaucoup plus au facteur humain qui va réagir à d'autres choses. Daniel, pourquoi y a-t-il des personnes qui t'écoutent au mot et à la lettre et que ça fait briser une vie de couple? Parce que la vie de couple devait déjà être brisée, puis les personnes ont réussi à trouver des raisons pour pouvoir enclencher leur mécanique. C'est facile de trouver des raisons. Le bonheur est parfait, puis subitement, non. Et puis les gens, comme je dis encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, mais c'est souvent ce que les gens comprennent. Il y a des gens qui m'écoutent au pied de la lettre, il y a des gens qui vont lire un livre, ils lisent au pied de la lettre. Il y a des gens, par exemple, qui sont des psychologues, des gens qui sont des ingénieurs, des gens qui sont des conférenciers, des gens qui sont de n'importe quel métier, ils sont pas capables de rien trouver de neuf, parce qu'ils sont encore, ils écoutent au pied de la lettre qui vont après à l'école. La majorité des personnes écoutent au pied de la lettre quelque chose. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ça fait notre bonheur, une bonheur astrale, bonheur plus ou moins malheur, on ramasse. Alors la personne, elle va écouter tout ce qu'il faut, puis quand elle ramasse quelque chose qui peut lui donner une bonne raison d'eux, elle l'enclenche. Mais c'est pas parce que la personne, elle écoute au pied de la lettre ce que je dis. Surtout que moi, ce que je dis, c'est qu'on doit, si possible, rester en couple, qu'on doit se faire des amis, qu'on doit, on ne doit jamais prendre de décision subitement suite à une crise énergétique. Je dis je mets tellement en garde les gens là-dessus. Les gens ne me prennent pas au pied à la lettre. Puis à un moment donné, quelqu'un qui va me poser une question, puis je vais lui dire, écoute, c'est évident que ton mari veut te tuer, lâche-le. La personne, elle se dit, ah, je savais. Son mari, il veut pas la tuer. Mais elle a compris, lâche-le. Mais je passe mon temps à expliquer de faire attention. Comme pendant le séminaire, je dis souvent aux gens qu'ils ne doivent pas prendre de décision majeure avant 3 semaines, 1 mois. Parce que là, ils sont énergisés, puis là, ils voient des choses, ils comprennent des choses, mais après un laps de temps, ils ne comprendront plus ce qu'ils ont compris. Ils vont être plus haut dans leur compréhension, mais pas autant qu'après. Puis là, si quelqu'un lâche son emploi après parce qu'il se dit, moi, je suis bon type d'autre chose, il n'a pas fait au pied de la lettre ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne fallait pas. C'est la même chose pour ça. Il y a plusieurs personnes, à un moment donné, qui vont se servir de ce qu'on dit. Pas eux autres. Ils font comme des journalistes. Ils font des montages. Avec ce que j'ai dit, ça va. De temps en temps, il y a des personnes qui ont des problèmes comme ça, puis là, on leur dit, voyons, non, quand est-ce que j'ai dit ça? Ah, oh, j'ai une cassette, j'ai une preuve. Parfait. On va écouter la cassette. Là, regarde, le bout, il est là. Non, non, c'est pas le bout, j'ai écouté. Moi, c'est la cassette, j'ai écouté. Pas le bout. Peut-être prenez un livre, là, c'est écrit, tue-le. C'est un roman d'action. Ah, il l'a dit, c'est clair. C'est écrit. Ben oui, tu sais, j'ai un meringouin sous le nez, tue-le. C'est ça qui était écrit, tu sais. La part va tuer quelqu'un. Non, les gens prennent au pied à la lettre ce qu'ils ont besoin pour avoir des raisons. Exactement comme vous êtes en couple, là, puis ça ne fonctionne plus. Mais lâchez-vous. Il n'y en a pas d'allure. Parfait. Alors attendez de vous détester à mourir, et là, vous allez vous lâcher. Mais pourquoi vous ne lâchez pas quand vous pouvez être aimé? L'humain a besoin de raisons comme ça pour bouger. Alors, ça va être la raison qui va passer. La personne peut la prendre, mais c'est simplement ça. Si les gens écouteraient au pied de la lettre ce que je dis, ils ne seraient pas mieux. Parce qu'il ne faut pas écouter au pied de la lettre ce que je dis. Il faut comprendre. Il faut écouter ce qui se passe chez nous. Par contre, les gens ne feraient pas il y a certaines conneries que les gens ne feraient pas. Il y en ferait d'autres. Mais j'ai jamais brisé. Enfin, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait qu'on. Sauf évidemment, c'est une question de vie ou de mort. Qui est Bernard de Montréal? C'est un bonhomme. Hein? C'est un gars qui vit quelque part dans le coin. La meilleure chose, ce serait d'aller à une de ses conférences puis de vous faire une opinion. C'est la meilleure chose. Qui il est? Posez-lui la question. Peut-être vous répondre comme je réponds. Je réponds, je suis un bon gars, peut-être. Mais, c'est correct. C'est même correct. C'est très correct. Voilà. Quelle distinction entre le corps éthérique, le corps astral et le corps mental? Le corps éthérique, ça fait référence à la vieille étymologie, plan éthérique, énergie éthérique, qui est surtout appelée énergie vitale au Québec. Le corps astral, c'est de l'énergie vitale extrêmement évoluée qui est capable de conserver de la mémoire émotive, alors que le corps vital conserve de la mémoire événementielle, de la mémoire matérielle. Le corps mental, c'est la couche externe de l'âme, donc c'est une couche qui est un peu plus évoluée encore que le corps astral. Et le corps mental est capable de prendre l'énergie mémorielle émotivisée dans le corps astral, l'amener au niveau du plan mental, et là, l'émotion ne peut pas suivre. Le plan mental va permettre l'intellectualisation, par exemple, ces choses-là. C'est sûr que ce sont des mots qu'on donne à des plans, à des énergies. C'est un peu comme la lumière. On a la lumière rouge, la lumière jaune, on a la lumière orange, etc. Sauf que quand est-ce que la jaune devient rouge, si on grossit beaucoup le sceptre, on verra pas beaucoup de nuances. Mais à un moment donné, on met simplement des mots. C'est un peu la même chose pour ceci. Quand on parle de plan supramental qui descend, quand on parle de plan supramental, c'est partout, il y en a partout. Il y en a à l'intérieur de vous, il y en a entre vos fesses et la chaise, il y en a partout. Puis le plan astral, il y en a ici partout aussi. Sauf que la longueur d'onde, on peut dire, la chaleur énergétique n'est pas la même. Alors le plan mental, c'est donc un endroit où on peut légiférer, un endroit où on est capable de se servir de nos mémoires sans l'émotion. Le plan astral, c'est l'endroit où on va cumuler de la mémoire événementielle, la mémoire de notre vie avec l'émotion. Le plan vital ou le plan éthérique, c'est lui qui va structurer l'âme, donc le plan astral, et c'est lui qui maintient le corps physique. Puis le corps physique, bien là, vous connaissez un peu, c'est l'expression évidente du plan vital, qui est la révélation de la matière. Le plan supramental, bien, c'est un plan qui est en haut du plan mental, qui ne dépend pas des mémoires de votre expérience, ça va vous amener un savoir instantané. Dans l'antique religion, on appelle ça l'Esprit Saint. As-tu peur de la vérité? Sinon, pourquoi fuis-tu les gens qui ont la conscience et travailles-tu uniquement avec des égos épais? J'ai extrêmement peur de la vérité, effectivement, ça. Mais honnêtement, parce que la vérité, c'est la coloration de la réalité. Puis, la coloration de la vérité, c'est le mensonge, mais la vérité, c'est la coloration de la réalité. Puis quelqu'un qui a la vérité, il est correct. Puis tant qu'à travailler... Vous savez une chose? On apprend bien plus à travailler avec des égos épais qu'à travailler avec du monde parfait. Alors moi, j'aime autant travailler avec les personnes. Mais une chose certaine, c'est que les individus qui sont épais dans mon entourage ne jugent pas les autres. Alors, c'est question d'épaisseur. Que veut dire « on ne peut respecter ce qui est respectable » que ce qui est respectable? Ça veut dire, moi quand j'en parle, surtout c'est au niveau de la jeunesse Teflon, les jeunes ne peuvent pas respecter les choses qui ne sont pas respectables. Ça veut dire quoi simplement? C'est que vous ne pouvez pas trouver beau quelque chose qui n'est pas beau. Puis la beauté, c'est une question d'énergie, c'est pas une question de forme. Un être humain respectable, c'est un être humain qui se respecte lui-même. Un être humain qui se respecte lui-même, nécessairement est facilement respecté par autrui. Un être humain qui ne se respecte pas lui-même ne peut pas être respecté par autrui. Et l'humain qui ne se respecte pas, qui veut être respecté, il va finir par être craint par autrui. Il n'est pas respecté, il est craint. Puis souvent dans le langage populaire, dans la psychologie populaire, être craint et être respecté, c'est la même chose. Le gars qui se fait des gros muscles pour être respecté, il va être craint, il ne sera pas respecté. La personne qui est respectable, qui se respecte elle-même, ça veut dire que quand elle pense que quelque chose est comme ça, elle pense que c'est comme ça. Si elle voit que c'est pas ça, elle change simplement d'idée. Mais si elle ne voit pas que c'est pas ça, ben elle reste sur son idée. Puis si on lui dit que c'est une grosse obstineuse, ben elle reste sur son idée quand même. Mais c'est pas une question d'obstination, je vois que c'est bleu. Tu me dis que c'est vert, je vois que c'est bleu. J'ai raison pour moi, bon, ça finit là. Une personne qui se respecte, c'est une personne qui est capable de maintenir ce qu'elle est, de maintenir ce qu'elle dit, de maintenir ce qu'elle fait. Et nécessairement, elle sera respectée. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas respecter réellement que ce qui est respectable. On peut craindre ce qui nous fait peur, c'est pas du respect. Puis ce qui n'est pas respectable et qui ne nous fait pas peur, normalement, on le bafoue. Comment se défaire de la possession? Bien, ça, la possession, je peux pas vous expliquer comment vous en défaire là. De toute façon, on n'a pas le temps non plus, mais on pourrait revenir à un moment donné un petit peu. On va l'initiation lunaire la semaine prochaine, on va probablement toucher un peu. Parce que de toute façon, c'est partie des mécaniques de possession. Donc, on va garder la question, puis on va revenir avec. Alors, la semaine prochaine, le titre de la conférence sera « Se sortir de l'initiation lunaire ». Eh oui, à la suite, amusez-vous. Soyez joyeux. Merci.